Luc chapitre 18. Il leur proposa aussi une parabole, pour faire voir qu'il faut toujours prier, et ne se lasser point. Disant, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point de Dieu, et qui ne respectait personne. Et dans la même ville il y avait une veuve qu'il allait souvent trouver, et lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps il n'en voulut rien faire. Mais après cela il dit en lui-même, quoique je ne craigne point de Dieu, et que je ne respecte personne. Néanmoins, parce que cette veuve me donne de la peine, je lui ferai justice, de peur qu'elle ne vienne perpétuellement me rompre la tête. Et le Seigneur dit, écoutez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne vengera-t-il point ses élus qui crient à lui jour et nuit, quoi qu'ils diffèrent de s'irriter pour l'amour d'eux? Je vous dis, que bientôt il les vengera. Mais quand le Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouve de la foi sur la terre? Il dit aussi cette parabole à quelques-uns qui se confiaient en eux-mêmes d'être justes, et qui tenaient les autres pour rien. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un pharisien, et l'autre péagé. Le pharisien se tenant à l'écart, priait en lui-même en ces termes, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis point comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni même comme ce péagé. Je jeûne deux fois la semaine, et je donne la dîme de tout ce que je possède. » Mais le péagé se tenant loin, n'osait pas même lever les yeux vers le ciel, mais frappait sa poitrine, en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. Je vous dis que celui-ci descendit en sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève, sera abaissé, et quiconque s'abaisse, sera élevé. » Et quelques-uns lui présentèrent aussi de petits enfants, afin qu'il les touchât, ce que les disciples voyant, ils censurèrent ceux qui les présentaient. Mais Jésus les ayant fait venir à lui, dit, « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez point, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous dis, que quiconque ne recevra point, comme un enfant le royaume de Dieu, n'y entrera point. » Et un seigneur l'interrogea, disant, « Maître qui est bon, que ferai-je pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a nul bon qu'un seul, qui est Dieu. Tu sais les commandements, tu ne commettras point adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point faux témoignage, honore ton père et ta mère. » Et il lui dit, « J'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et quand Jésus eut entendu cela, il lui dit, « Il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, et le distribue aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel, puis viens, et me suis. » Mais lui, ayant entendu ces choses, devint fort triste, car il était extrêmement riche. Et Jésus voyant qu'il était devenu fort triste, dit, qu'il est malaisé que ceux qui ont des biens, entrent dans le royaume de Dieu. Il est certes plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille, qu'il ne laisse qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. Et ceux qui entendent dire cela, dirent, et qui peut donc être sauvé? Et il leur dit, les choses qui sont impossibles aux hommes, sont possibles à Dieu. Et Pierre dit, voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Et il leur dit, en vérité, je vous dis, qu'il n'y en a pas un qui ait quitté sa maison, ou ses parents, ou ses frères, ou sa femme, ou ses enfants, pour l'amour du royaume de Dieu, qui ne reçoivent beaucoup plus en ce temps-ci, et au siècle à venir la vie éternelle. Puis Jésus prit à part les douze, et il leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et toutes les choses qui sont écrites par les prophètes touchant le Fils de l'homme, seront accomplies. Car il sera livré aux gentils, il sera moqué et injurié, et on lui crachera au visage. Et après qu'ils l'auront fouetté, ils le feront mourir, mais il ressuscitera le troisième jour. » Mais ils ne comprirent rien de tout cela, et ce discours était si obscur pour eux, qu'ils ne comprirent point ce qu'il leur disait. Or il arriva, comme il approchait de Jéricho, qu'il y avait un aveugle assis près du chemin, et qui mendiait. Et entendant la multitude qui passait, il demanda ce que c'était. Et on lui dit, que Jésus le Nazaréen passait. Alors il cria, disant, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et ceux qui allaient devant, le reprenaient, afin qu'il se tue, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Et Jésus s'étant arrêté, commanda qu'on le lui amenât, et quand il se fut approché, Il l'interrogea, disant, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » Et à l'instant il recouvra la vue, et il suivait Jésus, glorifiant Dieu. Et tout le peuple voyant cela, en loua Dieu.